Arc-en-ciel. Chaque dimanche, retrouvez Nicolas pour écouter de l'accordéon de génération en génération. Voici donc, il est 13h et voici donc eh bien, le retour de l'accordéon pendant l'après-midi. Nous sommes ensemble. Voilà aussi un petit bonjour aussi à Lolo qui a fait l'émission tout simplement tout à l'heure entre 10h30 jusqu'à 12h30 et ainsi que vous allez le retrouver prochainement. Voilà donc. Voilà pour nous, nous sommes l'après-midi, bien sûr, avec l'accordéon pour vous faire plaisir. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Commencer l'émission avec tout simplement la java et puis juste après la valse. Voici donc la samba et puis juste après la marche. We'll be right back. c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Voici donc, eh bien, valse tout simplement, mais plutôt l'accordéon romantique, puis juste après la polka. We'll be right back. Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Voici donc le country. Voilà l'idée, la nature belle, il est senti, déjà nous appelle. Allons voir notre chaîne qui donne sur la lune. Toi tu es lien et toi tu es miel. Redonnons la valse sarrasienne. Je t'apprendrai à danser, tu verras ce beau refrain de sa voix. On aperçoit au loin les forêts, les prairies. Dieu nous a fait cadeau d'un si joli pays. Vois tous ces sapins d'argent qui montent au ciel éclatant. Lorsque le soir descend, on entend les troupeaux et les voix du berger qui répondent à l'écoute. Je suis ému chaque fois, non rien n'est. Allons voir notre chaîne qui vole sur la vallée. Toi tu es mien et toi tu es miel. Redonnons la valse sarrasienne. Je t'apprendrai à danser, tu verras ce beau refrain de sa voix. Pour fêter la moisson, un grand bal est donné. Il y a de l'accordéon et l'on boit du bon vin. Un très grand chanteur qu'on applaudit de tout cœur. Mais qu'est-ce qu'on attend tous avec grande impatience? La valse savoisienne qui fait chauffer l'ambiance. C'est le succès populaire de la Savoie danse. Déjà nous appelle, allons voir notre chaîne qui donne sur la vallée. Toi tu es mien et toi tu es mienne. Redonnons la valse sarrasienne. Je t'apprendrai à danser, tu verras ce beau refrain de sa voix. Je t'apprendrai à danser, tu verras. Quand vient l'été qui danse au soleil des vacances, vivent les chants d'oiseaux et la fraîcheur des eaux, mais les plus doux rivages. Des plages, le séjour de mes voeux, c'est au bord du lac bleu, c'est le lac d'Annecy, de Saint-Joriot à Valoire, à Douin, à Brunfy, il noiera tous mes soucis. Yeah. c'est un décor de rêve. Et le soir sur la grève, dans l'ombre de qui les protège, c'est l'étoile des neiges. On se fait des aveux, tout va près du lac bleu. Annecy, des flots bleus, c'est la joie de mes vacances. Annecy, mon cœur bleu, revenir à ton ciel bleu. Tout simplement, eh bien, le titre bal populaire et puis juste après la valse. Et puis après la valse, ce sera du côté du Fox. Mmh. Arc-en-Ciel. La valse et puis juste après les castagnettes. We'll be right back. donne-moi ta vie. Revivons le bonheur du jour où je t'ai suivi. Je n'entends plus rien que ce chant là-bas. Est-ce le vent musicien ou mon cœur qui bat? Je suis si bien entre tes bras. Mais pourquoi songer? Mais pourquoi savoir que c'est un rêve léger flottant dans l'indigo du soir? Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voici donc eh bien la danse Cuidoro et puis juste après la fiesta.

le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voici donc la Java et puis juste après du côté de l'Espagne. On savait des chansons que nul ne connaissait. On ne savait pas le ton et plus à quoi bon. Tous les soirs on dansait. La douce mazurka de mon village rendait tous nos cœurs de vingt ans volage. Et à l'unisson, c'est le grand frisson quand il joue sa java. Tous les amoureux, les yeux dans les yeux, écoute ça. Pourquoi ne pas s'aimer ce soir? La Java nous dit, c'est le paradis, vivons d'espoir. On savait des chansons que nul ne connaissait. On ne savait pas le ton et puis à quoi bon. Tous les soirs on dansait. La douce mazurka de mon village rendait tous nos cœurs de vingt ans volage. Et à l'unisson c'est le grand frisson quand il joue sa java. Tous les amoureux, les yeux dans les yeux, écoute ça. Pourquoi ne pas s'aimer ce soir? La Java nous dit, c'est le paradis, vivons l'espoir. C'est le grand frisson quand il joue sa java. Tous les amoureux, les yeux dans les yeux, écoute ça. Pourquoi ne pas s'aimer ce soir? La java nous dit, c'est le paradis, vivons l'espoir. Arrosas, en Espagne, on la court pour...

chansons dans ma musette, des refrains dans mon accordéon. Mon bignot est le roi de la fête, il fait danser les filles et garçons. Je vois tourner les couples sur la piste, je ferme les yeux. We'll be right back. voici un autre marche et puis juste après la java. Les rues montent vers les cieux, parmi les champs et les fleurs. C'est là que, sans m'en douter, jadis un beau soir d'été, j'ai rencontré le bonheur. Carina, Santa Carina, sous ton ciel bleu, la nuit, le jour. Carina, Santa Carina, les amoureux chantent l'amour. Carina, Santa Carina, ton souvenir plein de douceur. Carina, Santa Carina, depuis ce jour chante en mon cœur. Santa Carina, ton souvenir plein de douceur. Carina, Santa Carina, depuis ce jour chante mon cœur. Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. arc-en-ciel. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Et juste après la musette. Voici donc le Madison et juste après le rock.

jamais ton merveilleux décor sous tes étoiles d'or. Voici donc que la polka. Thank you. voiture d'un garçon qu'elle était même au nom du nom. Je me suis approché avec un bouquet des délaisses. Tout son cœur était plein de tendresse. Elle me dit merci tout en me donnant un baiser. Depuis mon cœur fait que chanter. C'est bien toi la plus jolie de toutes les filles du pays. Écoute ma chanson pour toi qui n'est là sous mes dix doigts. Je suis amoureux d'elle, d'elle, car elle est si belle, belle, belle. Et j'en fais le vœu pour elle, je lui resterai fidèle. Voici du tango. Dans un vieux rancho de l'Argentine, toutes les vaches s'ennuyaient. Elles avaient vraiment très mauvaise mine, et les gauchos se morfondaient. Tous les plus grands vétérinaires de Buenos Aires furent consultés. On fit venir enfin un orchestre argentin qui leur exécuta ce petit refrain. C'est le tango ruminant, c'est la chanson des gens qui s'aiment, de ceux qui vivent sans problème, fidèles éternellement. Tous ces bovins mugissants qui sont des musiciens dans la s'abandonnèrent avec flamme à ce tango ruminant. Cette musique que Rosita a connue Jojo. Elle c'était une vache mais sympathique, lui un amour de petit taureau. Alors serrant la chère gamine sur sa poitrine, très amoureux, la tenant corne à corne et les yeux dans les yeux, il ruminait tout bas. Cet air fameux, c'est le tango ruminant. Mademoiselle, je vous aime. Puis-je vous offrir un café crème? Elle accepta bien gentiment. Ils se marièrent sur le champ. Et pour fêter ce jour suprême, chantons en chœur ce doux poème. Ce petit refrain mugissant, c'est le tango ruminant, c'est la chanson des gens qui s'aiment, de ceux qui vivent sans problème, fidèles éternellement. Ce doux refrain lancinant qui vous transporte vers les cimes. Cette chanson vraiment sublime, c'est le tambour imminent. Arc-en-ciel. Voici donc, bien, je vous laisse avec tout simplement le country. Allumez le feu, allez surtout n'hésitez pas et tapez dans les mains. en reprenant ce petit refrain qui sent l'Amérique. Allez! Allez, les amis, c'est la folie country. On danse toute la nuit et youpi, c'est parti. Hey. Ce soir, les filles sont vraiment belles, plus belles que Susanna. Les garçons sont tous costauds, de la graine de cowboy. Allez surtout, n'hésitez pas et tapez dans les mains. On reprend dans ce petit refrain qui sent l'américain. Et c'est parti. Allez les amis, c'est la folie country. On danse toute la nuit et youpi, c'est parti. Jetez en l'air votre chapeau comme le grand buffalo. Faites tourner votre lasso en criant oh oh oh. Allez surtout n'hésitez pas et tapez dans les mains. Ce soir on est tous au Far West, on est américains. Allez, allez les amis, c'est la folie country. On danse toute la nuit et youpi c'est parti. Voilà donc, il est 15h55, voilà donc l'émission touche à sa fin. Voilà donc aussi, j'espère que vous avez bien aimé tout simplement les musiques d'accordéon, tout simplement qu'on va se retrouver prochainement. Et on se retrouve aussi tout simplement eh bien mardi à partir de 13h30. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous, à vous toutes. Merci beaucoup, à notre prochain rendez-vous. Sauter sur moi, jugatumia. Sauter sur moi, jugatumia. Sauter sur moi, jugatumia. Sauter sur moi, jugatumia. Longe da vista, perto do coração.